بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ورضي الله تعالى عن قدر العارفين وإمام الصديقين أبي العباس أحمد التجاني وخلفائه المهتدين ولطريقة الفائزين. أما بعد، قال الشيخ الحاج عمر بن سعيد الطوري الفوتي الطوري الكروي رضي الله تعالى عنه في الفصل الخامس والعشرين من كتاب النفيس رمى حزب الرحمن على نحو حزب الرجيم، وفيه أخذ علينا العهود أن نبسط لكل من تعرف بنا من أبناء الدنيا بساط التشوق إلى طريق الفقراء وإلى محبة ذكر الله صباحا ومساء ليلا ونهارا إلى آخره. البحر المورود في المواثيق والعهود الشعراني رضي الله تعالى عنه رضاه. لكن مين تدون تدور لينا خم مانم نيف برازام سوينيوي كي ايم بولوني نيو خم تنتني سكر تيو بوكولين سوار بوكولين طريقة ولا ين بوك طريقة مي اير بني سكر ين بوكولين اير légi na nga wacc sa baat bok munu mais nga top ci ñom niñ koy zikara wala bo nga and ak ñom ci niñ koy defé mais bu wuté ak ñom parce que so wuté ak ñom affaire day jaxaso lolu ben la ñaaral bi mune tamit bu nopi nak so nopé yiw zikar da lay rëcc zikar du tok di entre na gaay ni nopi wolo wala nopi wota pre yaay wax li yalla sa di tok di entre na gaay bi xol kan moy ci karu wax ak yu leg leg nga dal tok dal le dik wala comme yu fay def yu yenn fay wax yalla ni yalla sa amin ya fanama wo fi nek na ci kon manam ci fan ci téré bi batay al bahru nawru mu ma sha Allah dar mun akhadha jappna alayna ji ñun al uhud kullare an ne bokku na ci kullare yent ñu jappata yent sa sa an nafsuta ne dañi yaatalal dañi ubbeku yaatal han nafsuta wa moy dañi ubbi suñu bop dañi yaatal ñu ci al bastu bi tek ubbi yaata li kulli man ñeel kep ko xamantene taarafa sakona xam bina ci ñun manam kep ko xamantene dafa ñew pour xam ñu ñun manam arafa taarafa fi am al ma'rifa fi manam limi teki moy xam talibe bi xam serigne bi nek nango nek talibe bi lool lay teki comme le cheikh mutidan la dam doon na man ya'rifu ni fan ya'rifni wahdi kepp ko xamne daf may xam manam en tant que serigne dima reconnaître en tant que serigne na me reconnaître en tant que serigne man kess rabbi allah deng kon fi tarafa bina mu lolay tek moy sakku nañu nek suñu talibi lolay tek manam ci xam deng xamnu xameñu reconnaître ñu en tant que serigne lolay tek wa serigne tarafu tarafa manam xam nga i'tiraf moy reconnaissance moy reconnaissance pas dans le sens remerciement mais dans le sens xamé tarif voilà lolou da ma'rifa ma'rifa mom moy xam rek xamé xamé ragné mais lima bëggone rek la ci fi mo est-ce que racine ben la même mot bi la d'accord selon fiñ koy utiliser lay am sens D'accord. Je suis en train de faire ça. Donc, si vous avez des enfants dans la vie, tout le monde sait que c'est un enfant dans la vie. Si on est venu à nous, on veut prendre notre tariqa, on veut être avec nous, etc. Hein? On doit les faire oublier. C'est ça. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Xemem lolou ila tariq dem ci yoro al fuqara talibi nga xamne dañu yek ak ñak ni dañu wara dem ci yalla wa ila mahabbati ak ci sop lo len zikrullah tuddu yalla ñi tuddu yalla sabahan suba gi wa masana ngor gi laylan guddi gi wala ara nak beccig non lañ wara dañu wara yaatal yaatal suñu dënd ubbi len wan len ne len yeen vous êtes les bienvenus voilà wan len yaatal len dal manam xam nga nit bu ñëwé intégrer ben milieu buñ ko yaatalé da ko yé wa ngir wan ni wala fi wala daara ji sa daara la melal kom ñepp sañ bi fi ñepp am nga fi am togal ki nekk ak nit ñun nangam nangam ubbil ko suñu ay loxo voilà ak tam manam mettre ko à l'aise dal exactement moy mettre ko à l'aise ba xamantene dañ koy soplo mu nekk talibi di soobu seen yoon melni ñoom jaar seen yoon ni ci nonu tamit dañ ko wara soplo tam musique sa su ne suba ngom guddi beccu munafa in ahabba su fekke dina nanguna zalika lol wa wadabata musamonte manam musax alayhi ti mom qarrabnahu dañ koy jégeñal suñ ko gisé né affaire bobu non exactement dafa mel comme nango mel comme talibé lu talibé di dugg mu dugg ci lu mu yegg né dañ ci dañ koy def mu daldi wote waaw man e gaay dañu organiser nangam lan man légui lan man lan la mëna def nangam nangam ñu gis né mu ngi intéressé wu ba paré ñu gis tamit musicar musicar buñ koy sopp lo musicar di zikar parce que comme zikar moy yoon bi gëna gaaw té moy li gëna reuy li sëriñ bi di am par rapport talibé moy zikar ñu koy yi muy def buñ ko gisé mo ne suñ ko gisé mu mel nonu samonté ak yoy non xarrabnaahu dañ koy jégué ñal wa dadnaahu bu paré ñu lim ko nak min jumlatul ashabu ci mbolam andandoy ashab andandoy lolu sëriñ bi mo koy japp sëriñ bi mo nan ki sama andandoy la gis nga ki min ashabi yi sama andandoy la bok de mes compagnons mom wala du wax sama talibé la sama andandoy la yox ah wala moy daf ko jégué ñal wala wala sama mbokk talibé comme niñ wax nak sama mbokk talibé la ñoy and ci yoonu yalla mais talibé bi mom du wax lool dé talibé bi da nañ sama sëriñ du wax sama xarit du wax sama way sama sëriñ lay wax sama sang wa kay Allah ko né sama sang mo ko sama sëriñ da ñun ay talibé lañ wa in lam yujib bu fekente na wuyul ila zalika jëm ci lolu manam su fekente na gis nañ ni liñ ko wo invité ko ci lolu gis nañ ni intéressé wul ci lolu fa ni staxala bu fekente na dafa soxla wo rek dafa préoccupé wo fi julusi ci jotay gi muy jotay maana and ak ñun fi matar lu ci zikri ci jotay ci kari wa nahwa ak yu melni ñoon wa ta'allala a wa ta'alla la te muy laye bi naw mi ci ay nelaw ma salam ci misab non mo sey ko dama don nelaw da no xam nga dama japp dafa am affaire bu en wala bo gisse ñewuma ci daire tay bon c'est parce que dafa am ben affaire bu don fenc ci tele bi tu vois motax ñu ñew genre wala dama don nelaw tay dama sonnon wala yef ni fatigue momo je me repose bu boba aussi adabnaahu dañ koy jappé min ma'arifina ci ñi and ak ñun ci ñu ñu xam dañ koy jappé comme des connaissances ni wala c'est une connaissance la min ashabina way duñ ko jappé ci suñu mbokk talibé yi nga xamantene suñu gaay la duñ ko compter ak ñoon d'accord am duñ ko jappé comme mbokk talibé deug dañ koy jappé rek comme collaborateur ku ñu andal ni rek à juste titre considération bop wala ñepp mënu ñu leen yamale ñi nga xamantene dañuy ñew nek ak ñun bi ñu jappalé japp ci affaire buñu leen soxla ñi ngi fi tay tamit sa su de dañuy téw assidu ñoñu ñun ñoñ lañuy considérer comme état suñu mbokk talibé ñu mëna andal yu ñu nekkal sino bu fekkentene nak wala tay su la nexé ñew bu la nex nga tok wala 2-3 semaines un mois c'est do ñew sa ira nexé nga tok na law ne wala dama sonno dama te no xuma la de xuma la dama wax rek li nga xamne mo xew wala no li la tire di wax dama ko wax xuma la estay ni ya ngi detail explication bi ko pare diko particulariser non sincèrement lool la wax damay wax rek li mu wax han waxuma non mais sincèrement mom moko wax mo ne kuy laye ko xamantene da fay wax ne liko téré li tax mu absenté wu moy ay par exemple affaireu day nelaw wala genre manam moy wala dafa sonu dafa ki day wala dafa don reposé wu dafa am un programme bu feñon ci télé bi lolou mom mo taxone bon finalement mu djum ñew dañ koy considérer à juste titre ni mu don parce que tamit duñu yamale ñep même bu fekente né on a comportement biñu am ak ñep lañu am ak mom buñu soxla dañ koy démal buñu kiwi et cetera dañ koy japp comme une connaissance nak dafa am comportement yuñu am mais duñ ko jappé comme ñi jappé ñi nga xamné dañu assidu lolou mom lolou tamit la lolou nak mom moko wax man waxuma deug la min ashabina deug wa zalika ta lolou bo gisee mu am li anna sahib dafa fek ne andandol shartuhu shartam an yashrib moy min nana min misqat ci nandu wayu sahibuhu andandowom bi ma andak irtifa yekiti gimi yekiti guk al hajiz ki ray nga xamne bayna qalbi mo nek ci digeunte xol mo bayna sahibi ak ki nga xamantene mom moy ki mi andal kama kem mi nga xamantene yar tamé non la yigiti go al hajiz ki tiray gi digdigal bi nga xamne bayna khawdayn ño nek ci digeunte ñaari mbalka wi wa yasira ñu dal di mujjo don khawdan ak mbalka waahidan bay ben wa ma an ak ndox waahidan bay ben intaha fil wax jëm parce que dafa bok ci charte andando nga woy ki ñoy defando nangam moy ngeen bok fi ngeen di nané ba de telle sorte que manam ci walu yalla mbalkan ben la ni ngeen ci sobo ben la danaka fuñ leen gisé ci yoon bobu yeenay and ndax yeena bok ay mbir mbir lool moy andalo andalo il faut pour nit ki nek andalo kenn il faut lool am il faut qu'ils aient le même centre d'intérêt voilà il faut qu'ils aient voilà mon gars nous avons les mêmes centres d'intérêt am les mêmes préoccupations am les mêmes idées nga xamantene souvent fo gisé kenn ki mën nga sentu ki ci rest ci wedd pour ñu mëna wax ay andalo la de telle sorte que seen xol ki ray bi nek ci digënté ñaar manam barrière bi fi nek rideau bi wala barrière bobu day daan de telle sorte que doto amati barrière boba ñu ñoy andando ce qui fait que ni théorie des vases communicantes ñoo ñoy existé seen bir vases communicants wa communicants wa mus nguma ci corriger ya nga fatu yag na si cour de mahilo wa may jéggulo nak wa non lan la parce que tout temps un vase dañ wax mais souma des vases sama xel tout temps lay dem ci né kilo wa donc théorie des vases communicants ñoti dox de telle sorte que li nekk ci xolu ki ci lèr ci ak ci ay secret day déverser wu ci xolu ki ci reste et cetera non do ci soté ko lolu mom motax barrière yoy bu deñé gis nga comme ñaari balka buñ doon nana do ci ñaari balka yo xamantene dafa am ben barrière bu dox sen digënté barrière yi deñ da ngay gis ndox yi dañuy jaxaso de telle sorte que légui mbalka bi yépp ben la dafa gëna mak rek ndox mi yépp ben la amatul ñaari ndox wala ñett ndox dafa gëna bëri rek voilà donc mais lolu pour mu am il faut que nit ki bok ci ashabi nak pour mu bok ci comme nim ko waxe moy day nango nek ci yoonu talibi yor sen comportement yor sen doxalen di mel comme ñom lolu moy ben ñaaral bi moy dañ koy day jotayo ak manam dañuy jotayo ñom ñep tam ci di zikar ci di voilà nta ha ko fa wax de muna wa fi batay ci al ahdul wallahi tere imam asharani radiyallahu anhu tere la yo xamne dañu manam mag dañu am day ak manam njariñ ak solo vraiment boudé non tire chat imam ash-sharani radhiyallahu anhu doy nañ pour ku bëgg xam yoon nitu yalla parce que boole na xam xam zahiri ak xam xam batini ba par daf leen du boole bu yéme mom comme cheikh salahuddin la radela bu amé kenn ku mu mënu comme kuñ ko mënu comparer imam sha'rani radela da sherif makna ko budé amna kenn kuñ ko mënu comparer imam sha'rani radela parce que sen dieu mo do nga dégg nga wax imam sha'rani lu bax rek lu reey rek lu mag nga ci wax sha'rani té alhamdoulillah passage bi defo ci tire bi voilà vraiment prouvé né que imam sha'rani ah sha'rani radiyallahu deng muna kon wa fi batay ci tire bu al-bahrul mawrud fi al-mawaqit wal uhud seigne bi xana inshallah man djeglu ci dom imam sha'rani mom téré yu bind bi mo ci gëna mak wala amna yenen téré yu bari à peu près ñaar téré lu bind mom non xawma nak ñaatal mais xamna ay centaine la non xamna amna yu gëna ci yenen yi mais bi ci la bok wa mi ci la bok ba paré ñaar la sax ak tabaqatu awliya ak moy tabaqatul kubra luñ koy wax amna al anwaru qudusiyya ba bobu dañ ko de wala me nak ay fa ay tire yu bari lax yu tuddé non al anwaru qudusiyya amna al anwaru qudusiyya fi adabil ubudiyya al anwaru qudusiyya fi qawaid as-sufiyya et cetera amna al akhlaq al matbuliya téré bu am solo la tamit ci jikko yi ñi nga xamne ñom ñoo nekkon talibé cheikh ibrahim al matbuli radiyallahu anhu wa anhum bërna téré yuñ ci gis fi ci rimax sax ay téré yeneen téré yu wuté gey et cetera ay yawaqitu wal jawahir tamit dañu mënu ñu dafa biographie ban période la dund je rappelle bu daw wa ash-sha'rani radiyallahu anhu dundu les années 900 les années 900 la dundu talibi ñom zakaria ansari ñom suyuti ñoy ñu talibi imam suyuti wa yaay do ko ñom zakaria ah ñen ñen ci xam xam zahiri ko nek talib asuyuti mom wa amien wala amma ci xam xam batini mom moy serigne souvent yi ñi faral di tuddu fi al marsafi sidi ali al khawas et cetera mom moy sen talib wa d'accord wa shara la dara talib serigne yu serigne yu bari la mom niki non tamit bari won nay talib aussi mais dal limu gëna ragné ko moy téré mi am ndariñ yi té bari té souvent téré mi comme tanbihul akhbiya par exemple voilà ak ishadu talibina par exemple ak yenen ak téré yi nga xamanténi mom lañ wax fi al o1 al mawasiq wal uhud al bahrul mawrud ay yenen ak yenen tabaqat kubra yawaqit wal jawahir et cetera ay tire yu am solo yu am solo vraiment ak ay adabu suhba bin na ben tire wax nonu adabu suhba adabu xamna moy teggine voilà teggine voilà moy suhba mom lañ doon wax sank ni andando bi le fait que nit ki bu newe ba ni nek talibé ni mi and ak serigne bi dafa am ay teggine bindu na ci téré bu am solo bu ruy bu am solo am njariñ amna tamit et cetera ay téré yu am solo la bindu ci yoonu tasawuf nak ses vraiment ku am téré mi rek am nga lepp hakikatan ba paré waxam dafa lèr simple d'accès ba paré xoot ba paré and ak lèr aussi ak secret radiyallahu anhu jazakallahu anna khayran jazakallahu anna khayran جزاه الله عنا خيرا. سيدي جريجة. دينغ. لكنتي تيري بي بي البحر المغرب. مني أخذ جابنا علينا تنين العودة كل ري نيني ينتي بساسان. إلا أن قال بفهمنا. وينبغي يلونا للشيخ نيل سيرين بي. متابعة. معاتبة. Mu'ataba mom moy mu jajj manam moy mu geud puni manam mu bagna bayyi non dal manam mu sanctionner vraiment ma waru nek tam ko xamne jotay lu nit ñi wax lu nit ñi neex def amul ben mom dal day melni ñepp rek parce que lolou su amé rigueur do amaté lu neex way def il faut mom discipline voilà bo paré discipline bobu kenn waru ko téggi ñepp dañ ci wara samonter parce que sinon day yaq lu bare la yaq légui kon sanction bobu ci kan mu ne kul man kep ko xamantene ghaba dafa fad moy dafa absenté kepp ku absenté minal fuqara yi ci talibé yi kepp ku ci absenté an salatul jamaati ci julli mbolo aw wala bok an majlis sikri ci jotay sikar ci dem lay wax kepp ku ci absenté day war lay ko wax ne ko yow se li nga absenté bari na fo nekkon nangam nangam manam obligé lool dafa war du lo xamantene manam obligé dañ koy def même ñi tardé tam non wax tardé ñu lay hey lu sa ko tardé non mais si parce que souri ku nek lu mu nek xam nga du marché du comme école tam do def heure bu la nexé ñew heure bu ma nexé baña ñew heure bu ma nexé tardé comme li ñuy kay sañu ko def voilà dafa am ay règles de bienséance yo xamantene ni la manam moy règles yi fi mbir mi di doxé té nonu la wara doxé té waruñu may kenn buntu mu xoti ko ak koku mën doon parce que suñu maye ñepp buntu nit ñi diko xoti lolu day indi désordre bu mag mu ne kon warna ñu jajj ko manam voilà ki sanctionner ko dal rappeler ko à l'ordre exactement mu ne walaw bin nawmi donte ci nelaw la fil beyti ci ne keur ga bi hujjatil wafa'i bi hujjati ci lay al wafa'i matale bi haqqi al'iyal ci aqku njabot manam nan wa no xam nga njabot gi nangam mo taxone ki ne day laye dal lol xam nga am ñuy laye non non c'est que man borom soxna la borom njabot la voilà donc yalla nañ yalla sam mo tax yoon nitu yalla yi bokk te yoonu comme de mot ñom dañu am yoon ñeneen ñi am yoon ku bëgg bok jaar ci yoon nitu yalla dafa am lo xamni fokk nga samonté ñom ku bëgg jaar yeneen yoon nak yoy mom bokul motax mu ne mu wax ci kaw ne il faut que nga différencier tamit même sëriñ bi mom il faut muy différencier entre ñen ñoy ñi nga xamanteni dañu jaar ci yoon bi ak ñen moy ñi nga xamanteni ñom ay connaissance rek lañ ay sympathisant nak il faut ñu xamé lan muna wa iza kana bu fekkene kana dafa nek al fuqara talibi fi majlisi ci jotay wirdiim seen werr wala yam bari du yello li adim ñal kenn ci ñom al insaf muy dem genn illa lulul bi isharati ci junjuk sheikh al majlisi serignu jotay ba yello tamit wa ay gay wa gay man ma ngi dem quoi damay yewé ko Rebel goudé wala yaa yalla ñala sam wallahi la bi Allahu akbar señ baba kër fi radi Allah ñom mom bi mi ki ci daayira yi man bu ci taxawlo ba tax mu multiplier ko ci gox yu ne li mo taxam manam pour mu nek jota tarbiya mais légui mom teggini yi ci aju yef amul dara dara luñ ci respect yalla ñala sam amin parfois sax xam nga nit ñi tamit dañu am na ñoo xamne pa instant lañ ko def manam buñu amul dara dara dara luñu def ci lañu def buñu naré annuler wu seen kër tout seul ci lañu def ci daayira waaw amin wa dañu séti comme luma doon toñu ñu Seydou Ndiaye mais leen yeen dal da ngeen di séti ji wa da ngeen di xol programme am ñu wax ko leen wara séti ji su fekkene amul leen ko leen wara séti di ngeen xol ko leen wara éviter so leen amul ngeen xol loolu do wara def ci kër gi su fekkene amul nak nga xam nga da ngeen fay dara nek rek annuler ñu wa dañ def daayo tout ça dafa bokay wax na bu safal ñu lol nga ñi toñe mom ñom seen jamono bo gisee mu ko yox parce que seen jamono non la mel mais nit ñepp jamono yepp dañu ressemblé wa lolo tax nit ku suy wax gis nga yi di li ni ku ko deg dans 100 ans day japp ne seen jamono mo tax ñun dañu fekk seen jamono après nak day commencé wuy ñom ay visionnaire lañ alors que du lool jamono yi dañu nuro mo tax boy deg lu waxtan ñom Aladji Abdou yeek yoy la dang da ngay gis ne day melni jamono ji lay wax mais c'est parce que seen jamono non la melone tout simplement lolo tax de c'est pas parce que dama gissone li ñew de dedet c'est parce que ñom aussi seen jamono non la melone amul fi dara fi mbir min ni la demé ñom ñepp ño bokk jamono cheikh omar rabbalan bi mi bind li gis nga ñu ko bindé dafa melni ñu ñun lay wax c'est parce que seen jamono non la melone cheikh omar sharami rabbalan ñu mi ngi wax ni lutax c'est parce que seen jamono non la melone fi jamono yépp dañu nuru motax d'ailleurs texte coranique ak hadith bi meuna appliquer wu jamono ñu ne manam jamono jo dem parce que jamono yi non la ñu yalla bindé dañu nuru d'accord ce qui fait qu'en fait texte ils sont intemporels voilà parce que nan la man ma fi ne té man sa papa fi nekkon avant té sa papa man ak mom ñu do nuru té moma ya sa papa mo fi nekkon et cetera bo topé lool man sama dom après mo fi nekk té sama dom bu fi nekké lutax parce que man ak mom ñu do nuru après koku manam c'est caricatural mais manam luma bëgg wax moy génération yi ñoo nuro ñoo bok ay jikko ñoo bok ay ni ñi doxale et cetera changement yi opéré wu ci selon génération yi c'est très relatif par rapport ak li nga xamantene mom moy deug bo comparer bo xolé histoire bi évolution jikko yi du bari changement yi du bari parfois day jekki dem dans le bon sens après mu ñeu dans le mauvais sens vice ni dañu am vice sauf que day tokk rek parfois sauf que ci tay vice bi ci ni la wala yoy li changer rek moy ci loxol ñan la affaire yi di ne lool moy changer voilà dynasty bi ñoy mom li day jekki dynasty bobu daanu benen dynasty jugat wala benen système jugat mais nit ñi ko composer ben lañ c'est la même personne ni PS nek gaay li ciow lu bari après alternance am gaay après c'est le même système qui se reproduit et après renverser c'est les mêmes personnes qui vont être là après hein? Après dañuy renverser war ñoy même pas c'est le système peuple bi ben la peuple même peuple bi c'est le même peuple hein? Qui est les mêmes gens voilà d'après vous gagnez pour l'homme voilà donc lepp nak non la demé ci diiné ci tax affaire non lay dem nit ni parce que nit len nit ma dama mi ngi dundou day am bakkan bu mu war xol ay bané xap day am circonstances lan la lu fi lan mo fi changer concrètement lu superficiel rek mo fi changer Mais fond ou chose, il change. Le combat il est éternel. Voilà. Lit ak bakanam. Voilà. Exactement. Parce que ay nit le dañuy am ay soxla, dañuy bëgg parce que nit fo mëna dëkk mo xam all ba nga dëkk mo xam ci dëkk taax ci dëkk ak fénal fo mëna dëkk da nga soxla lo lek lo nan fo teud et cetera. Ya ngi ni da ngay am jabot ak yenen ak yenen mais lool c'est lool du changé. Donc, d'une seule, elles sont là. Et voilà, donc, il faut que vous ayez intérêt d'un coup d'œil. Il faut que vous ayez un intérêt d'un coup d'œil. Intérêt social, intérêt politique, intérêt économique, et voilà, etc. Une renommée, vous avez dit que vous cherchez, etc. Voilà. Voilà. Il faut que vous ayez un intérêt d'un coup d'œil. Il faut que vous ayez un intérêt, etc. Affaire bi mom non la def fi mom affaire bi dara changé wu ni la nit ñi mësa mel té ni la ñi mel wa peut-être que xeyna jamono suñu papa yi wala yoy ñom benen problème lañ amone mais ñun dañu am yenen problème yo xamantene problème yi ñi suñu papa yi suñu mam yi amone ba tay ñun am nañ ko wala am nañ yu ko nuru wala mais am nañ ñom ay problème yu ñu amone mu gënon accentué wu ci ñom lo xamné ñun gënul accenté ci ñun presque dañ ko éradiquer donc mi ngi fi batay mais de manière beaucoup plus faible mais ñun dañu am problème yo xamné ñoo amu ñu ko won aussi et cetera affaire bi non lay dem affaire non mais que ça nous mbiri mom l'ensemble des choses mom du changer mi ngi fi batay motax jëlul texte alcorane hadith nga d'ailleurs dara dul rek même information ni information bo togul information nga tok 1 mois yo sékal information sax bo nekké ci téré yi rek nga né alquran yi hadith yi wax yeen bi sallallahu alayhi wasallam ak yo dara rutu lu parce que de toute façon catégorisation bi alquran def nit ñi mom ben bo jappé benen catégorisation ya ya toñ mais ben catégorisation bi alquran def ci début sourate al-baqara jurut ñeefi né yefiri ak nafiqi ñepp ñi ñu am amul yeen bu fekke aduna bi nonu beut bobu ngay xolé nit ñi tout temps beut bo classification bo nga am affaire rien ne change plus dara changé wu fi lu fi yéfer def dula bet lu fi julit def dula bet parce que non lañ mel lu fi nafiq def dula bet parce que non lañ mel jeexna catégorisation a été bien clarifiée affaire bi amul fi non fi amul fi yene luñ la wax lu yéne alcorane wax ni yowdi di lay def yowdi muno musa ka wane ba do def lol ah non parce que ni alcorane la bu changer le coran est immuable voilà les temps passent mais il est éternel voilà te lu ñew donc de ci appliquer voilà legui yow jangul alcorane lu gën ngeen nek man sama problème rek moy li nga wax fi wallahi imam sharah ibn ni man lay waxal ya ñu tim ko ko deugul deugul gis na ci sama bop wa ya wallahi ni gor gor wa ni gor gor wa lan ngeen di bëggu ci non irada al irada yit al irada moy bëgg wala volonté moy am volonté yalla ci tax la do yoy rek fu amé dina am ay galankor ay yenn ki mais bu la yalla taxé do wala day xamné li yoonu yalla la wala bu boba nak nit ñangi fi nit ñi nekkunu fi sambaangi fi sax gis nga même yenen te sallallahu alayhi wasallam bu fi nekké ak bu bañ fi nek il faut nga yegg yow niveau bo xamné yenenbi sallalahu alayhi wasallam togon ak yow ak yenenbi sallalahu alayhi wasallam nekku fi serigne bu meuna don nek fi ak mu bañ fi nek mom ngay yamale parce que yow yalla nga amal affaire mom ngay jamu wulo yenenbi sallalahu alayhi wasallam yalla nga jamu wulo yenenbi sallalahu alayhi wasallam jamu wulo serigne jamu wulo kenn yalla rek ngay jamu naam a travers ñu bax ñi rek a travers jotaay yu bax et cetera da ngay sax ngeureumul yalla a travers yoy wa yalla ngay jamu non nga amal affaire yow en tant que jam il faut nga nem nga xamantene yalla mom moy nek sa yitté yalla moy nek sa xolo yalla ci bopam mom nga bëgg wutulo sax dara wuto titeul wutulo tour wutulo makama parce que leneen yalla daf la bind pour bopam bindulo pour titre bindulo pour nit ñi contane ci yow bindulo pour nangam ak nangam bindul dara pour yow bindul yow bindulo yow tamit pour leneen yeen ñep daf leena bind pour bopam mom yalla yalla bobu nek ci objectif lo soko defé tout temps yalla mo nek sama objectif té li dañ ko wax ngir yalla amna xam nga amna ben wax bu seydou diop da wax wax leen lañ ma fatale ko peut-être parfois ben yon ci at bi lay koy wax wala né mais dina koy wax dana daire bi na kenn nek ku nek xol né est-ce que man bu ñepp défé né man dana avancer wala dé chaque semaine man nga wax moko yow nga wax moko man non ci deug ko la wax bi ni dama koy deg chaque semaine nga wax ndax bu ñepp défé comme man est-ce que dina avancer su fekké dina bu ñepp défé ni man day avancer mo continuer ci lola bu fekké tane bu ñepp défé ni man dara do fi avancer rien n'avancera dara du wax parce que ñepp dañu def ni ma def man lolou moy warna sopp sama doxali ci ko ande sincérité en soi quoi voilà té li xaw tane mom lañu xam moy yalla ci bopam comme niko wala fi di waxe gemul nelawul au-delà de considération au-delà du yalla gemul nelawul té yalla du nénal def ni rafatal inna allah la yudhi'u ajra al-muhsinin yalla du nénal mukk yoru ñi nga xamanteni ñom ñoy rafatal té gemul nelawul mi ngi fi légui nak li nit ñi bëgg mom moy bi heureu ñi manam bi nga xamanteni mom moy heureu liggéey mbir mi ngir yalla di dox affaire ngir yalla amé ñom dañuy tok fi ñu tok légui bi nga xamantene nak mbir mi xeyna amna serigne bu ñu dégg ni def fi né wala xeyna amna leneen wala xeyna amna hein manam fo xamantene nak ay reconnaissance ak ay tour ñom ñoo fi wara feen nak légui ñu ñew nak affiché wu and ak ne xamu ñu né serigne yi ak ñeneen ak ñeneen ak keneen politiciens yi économistes ñu manam ñu ñepp yoru ñu mbiri catégorie sociale bu ngeen catégorie sociale buñ mëna tuddu affaire bi nekk fofu affaire bi ci yalla lo ne li ëpp solo ci nit moy muy sét ngeerumal yalla ngeerumal yalla di sét ngeerumal yalla yalla ñu yalla may ngeerumal mais lool mom mo upp solo ci nit moy muy sét ngeerumal yalla parce que amna yu mel non amna genre yoy non amna parce que ay façon la nit ñi ay façon la ah buñu déggé bu da ngay gis ño xamantene mais do leen mësa dégg do leen mësa gis so way boy yi nangam ñom yoy tout temps lañuy wax té buñu déggé né vérité série ñi fi nangam nga gis leen nak ñu sol sen grand bubu sonfere ci deul mbaxana bi kalaw voilà bi affiché wu ci karaw ci waaw ki woné ki subhan rabbi té xamuñu né mbir yi nekkul sax ci loxol ñoo mbir mi yépp ci loxol yalla na kon mo safa ñoo ñom yi di ñew ñom yalla taxul leen jox waxuma né yalla taxul leen jox mais lu ci bëri ci genre yoy non yalla do leen taxul jox déla yalla boko teñké rek moy am nga problème yow yalla soko teñké moy yow déjà am nga problème de considération manam c'est comme si mais lolou day xew ci ñepp hein ci fepp fo dem muy Sénégal muy fi muy Amérique muy benen fo dem lolou fa xew da ngay gis ño xamanteni effectivement bu heureu def joxe fala lañu nek nek seen affaire mais gu heureu wut titre ak ki joté nit ñi affiché wu amna ño xamantene sax ñuy def kérok dama sétane journal bi gis né Omar Sy ben cinéma kat la dama ko gis ñu né ni né dañu invité xawma dañ ko invité won Élysée xawma demul parce que bëggul récupération politique hein voilà wax mo parce que bëggul récupération politique ma xol affaire mo gisé ci journal bi rek sama xel ci situation yu mel non lamay def il ne veut pas qu'on utilise ni utiliser ko voilà bëggul mom mu dem di def ay efforts pendant des années voilà ba am titre bobu xawma ban titre la gagné ti won hein mais dal ci affaire sen carnaval yoyu la intouchable quoi sen voilà voilà mon gars voilà exactement mu dem ba kiko gaay nak bëgg def récupération politique diko invité ay Élysée journaliste yi ñëw diko photo ak yoy ak ki nan waaw il a été reçu à l'Élysée par le président de la République nangam le premier ministre était là et cetera di wax yoy dedet mu bëgg lool affaire tamit non la bu fekkante ne ñu bari dañ koy def d'ailleurs même ba ci échelle bi ci kaw dañ koy def même ci niveau serigne ci sax dañuy def lool dañuy nek ci seen xew xew ñom seen ciir yi ñi dem tay ñi ngi ciir ba suba ñi ngi dejj ba gannaaw suba ñi ngi hein ngentel dañu wara tuddu di diw gannaawat suba ñi ngi gamu sangam gaay nek fi di liggey di ci def di def ay traduction di def ay hein liggey ki di def ay takkat hein ñu tuddu commentaire dedet tactique moy explication dedet moy ma jël ben livre di xol ba xam werna wala werum d'accord lan mo ci wer lan mo ci werul d'accord yoy non bu génné édition bu baax édité tiri defal yépp manam ño nékkon ci terrain bi di liggéey d'accord après bañ ci nak bañu wara ki gaay defar ab cérémonie nak ñom ñu sol sen grand bu ñew taxaw bu ko président wuti melni comme si ma def récupération wu liguey bi donc il y a édition revue et corrigée voilà ak yu mel non mais yalla gumul na law ay soulo sous la haute présidence de monsieur Diou dat koy def et cetera yalla gumul na law yalla ñu yalla sam la catégorie bi nga def sank dal yéme na moy jullu ci yéféri ak na fa toi alcorane ko def non début bi la début sourate baqara début sourate baqara wala fi catégorisation bobo fi am kala leg nga gis tamit ño xamantene benen affaire lañu def moy ñom dal ay manam ay consommateurs lañu en fait duñ ay producteurs consommateur du produit fini quoi voilà ñom dal liñu bëgg dal moy gaay yi bu euro téwno dajalé défar ki dem di yépp am ñom dañu nekk ci seen affaire yi bok bañu nak tay la gamu gi wala tay la xew xew sangam nak ñu dal di ñew nak fekké voilà affiché wu ñepp da mais yalla tamit gëmul melawul ñu ëpp solo motax même plaindre sax kenn du ko war ko def ci affaire yoy parce que de toute façon yalla dina la fay té du ko neena té bu heureu sétu joté yalla du jox ku deful woon bayyi ñi def té boudé jox ñepp parce que dafa yaatu yërmëde ak xéewal du yamalé kul hal yastawi al-a'ma wal-basir wala kul la yastawi al-a'ma wal-basir wala adh-dhulumatu wala an-nur wala adh-dhillu wala al-harur kisil maxa ak njaatiar yomul ker ak nak yomul leundum ak leer yomul inna allah yusmi'u man yasha'u wa ma anta bi musmi'in man fil qubur lol la ci tek yalla moy deglo ko ko neex waye ñi nga xamne ño nek ci bir bam armer bameli yow du yow yalla ni deglo am naj'alul ladhina amanu wa 'amilus salihati kal mufsidin fil ardi am naj'alul muttaqina kal fujjar est ce que dañuy def ñi nga xamantene dañoo gëm tay jëf jëf ju sel ngeen defone dañ leen di yamale ak ñi nga xamantene dañuy yaq ci ko suuf ño xamantene bu euro jëf joté gëm gëm gu sel di jëf jëf ju baax te yalla tax ñu necc ñom ñu nekk persévéré ci est ce que dinañ leen yamale ak ñi nga xamantene ñoo euro boba ñom ñanga nekk feneen di def lo xamantene dafa safano diine te loolu day yaq est ce dañuy yamale ñi nga xamne ñoy ñi ragal yalla dañ leen di yamale ñi nga xamne ay katchor la ay say say ala kul hal du ñom motax ku wax na no de toute façon fi bo ñepp yama bëss dina japp ñu xamne en réalité ñepp yamu ñu ragal li ñu faral di wax li ngay yuro rek ñu yett wa lo talibi te ñaan dañuy faral diko wax dafa mëna dal li ngay wër rek ñuy wër fi ëppalé wuñu fi dara té cruz bi ñuy wër salafaté bi ngay def rek mom lañuy def ñu yamuñ té xamuñu né yamuñ yamuñu dé wallahi yepp ak wax lu yam ak ko xamni ni sa yité mi ci diiné ak ko xamni ni mom deful ben effort ñoo mu ñu yam mongo mu deug nga mono wa iza kanu buñu nekké ala maahu and ak serigne bi ala am ci mbir mo xamné jameen mbolo ñoko wara def ñom ñep lam yasabu duñu dem hatta sa'zinuhu luñu sax ko ci mom digël niko ah dal nangam motax ñu warona dem ndax am na digël ci dem d'accord kon serigne bi buñu bëggé plus ou moins résumé fi nga joggé wa moy jéxal na partie bu muy expliquer dalil yi woné né ci koru mbolo waaw manam bon li en partie wala mu ngi dugg ci adab yi instant wala non waaw instant bi ci lool la né batay mais day def ben genre espèce de parenthèse wala bo xamantene day woné li muy wax né ci téggini digënté manam nit ñi bu ñu nekké en tant parce que fi lay batay ci koru mbolo la wax parce que daf ni warna yedd wala yedd sanctionné ko xamantene dafa ñewul manam par exemple ñewul ci julli ji ci jakk ji ci mbolo mi wala bok tout simplement ñewul ci zikar mbolo bi ñi def tamit jota ay zikar manam ci zikar mbolo lay wax ko ne day waxale ci biir teggini Allah Allah Allah Allah li tam alquran انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستاذنوه سوره النور فاسك فوق لا جيخ تي لي لا جيخ اذا استاذنوا لبعض شانهم فاذنت لمن شئت منهم واستغفر له فاذن لمن شئت منهم واستغفر له من الله ان الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم تقدع بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا قد يحذر الذين يخالفون عن ما يصيبوا فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دينغ. كن نون لك من يبنيك يمن تبي صلى الله عليه وسلم. من لا من يقوم دغ من يفهم تلني يقوم يلا يرانتا. تسوني نك كموم. Ki mbolo manam fi tam inshallah da ñu ngi expliquer ni taal bi tam non lañu wara def ak serigne suñu nekk ak ñom ci mbolo duñu fa juk duñu juk rek dem loolu ñu la laat ko ndigal ci mbir surtout bo xamne ñepp ko wara bok ñoo ci wara nek lo loy ko laat ci ko xamne c'est comme moment bobu woro fa jugge loolu ci ndigal la ngay xalaat ci ñak ñew mo gëna graw muna buñ la laaj ndigal nak fa gam ni man ci tamim wastaghfirullahu allah joxal ndigal kula neex pour mu dem te ngir sakku yalla mu jéggal leen lool moy wané ni kon amna lu gravité bu ci ne ak aaju bu leen taxaju dem te paré guñu ce qui veut dire que amna gravité bu ci ne motax mu ne ko jox leen ndigal te nga jéggalul leen yalla yalla nañu yalla sam muna wa majlis az-zikr se jotaayu sikar nak amrun mbir la mo xamne jami on guñu dajé lolo ngir diko def ñepp bok bi yaqini ci lu wir ci lu wor intaha plan wa fi bo dem bo tek ci téré bi akhadha jappna alayna ci ñun al manam moy al bahr al mawrud akhadha jappna alayna ci ñun yentu sax al uhud kullare an na'mura ci ñu digal ikhwanana suñu mbokk ni suñu mbokk yi bi ta'zimi ci ñi magal ci magal azakiruna way tuddu ya lillahi bur ya taala ci kay wa zakirat ak ñu jigen ñi tuddu yalla wa goor jigen wa tuddu katu yalla wa zikkar katu ñu di len magal min nisbatim ngir seenu askano giñu askano ila mujalasati ci jotaayo al haqq bur ya taala azza wa jalla magna teddu hala jotayou manam jamono gi nga xamne sen xal gi ñi nek zikrim ci moma biñu zikkar kon ñi zikkar kat ni goor yeegi jigeen ñi ñu wax suñu manam ñu wax suñu mbokk yi moy talibé la bëgg wax ci ni la nañu fonku ñoñu ndax lan parce que ci ben le fait tout simplement dañé ñom dañuy jotayok bur borom subhanahu wa ta'ala jamono gi ñi zikkar fi qawlihi ci wax gi mu wax mom taala ci kawaji ci hadith qudsi ana man yalla jalisu man may jotaayo aji jotaala man zakarani ki may zikar ki zikar ya ak yalla dafa nek di jotaayo ak yalla ay limitek moy ana man maaho ma ngi andak mom wa man te kep ko xamne ka la nek na al haqq bur yalla bi deug taala ci kawaji ma andak mom la yamba gi du yello li man ñel ñel ko xamne la won ñel nako dinun dine an yata'arrada ci muy garal la ho ñeel ko bi an ci lu demé nek yeen manam ci manam yeen wi muy yéene la ho ñeel ko su an lu bon fi waxtu ci benn waxtu mu la waqati ci waxtu yi yaangi def wa comme ko kok day jotay ak yalla ki zikkar te kuy jotay ak yalla nak yellowul ci ap ko xamne amna diine rek mu koy garal manam muy nek di nit ko manam mu koy yini dara lu bon ci benn waxtu ci waxtu nak muna wa hada al amru manam ko xamne day jotay manam ko xamne yalla day and ak mom wa hada al amru te bi le mbir nak wa in kana don da nek na wajiban di aji war fi haqqil muslimina ci aq mbolam julini fa huwa wa mom nak fi haqqil zakiri ci aq aji tuddu ci fi haqqi ci aq ga zakir aji tuddu ashaddu ra beugna tar wa wujuban ci war ndëg parce que ñoom dañoo am spécialement ni ñi and ak borom subhanahu wa ta'ala wa ma ra'ay qala muné wa ma ra'ayna gisunu ahadan kenn aada bo xamné day lor al fuqara talibé yoy nga xamantene talibé yi nitu yalla lañ nek ciobu ci yoonu yalla yeggugunu dara je sëriñ yi mais talibé lañ wa salihin ak nit ñu sell ñi moy nit ñu bax ñi gisunu kenn ku leen di lor manam di leen wax lu ñaaw wala mu leen koy def wa ankara té muy di nga alayim ci ñom bi xeyr tariq ci bet ci luddul yoon bo xamne shari'in ko di sharia la manam aussi ci lo xamantene amu ci ben droit ci walu sharia parce que leg leg mën nañ ko def ci yoonu sharia wa mata gisunu kenn ku koy def wa mata me nak loolu dafa sew motax dal jammal leen ci lepp ci bepp kanam mo moy li geuna sam ndax de toute façon bo ne yow waaw man de toute façon li motax té manam nga japp né yoonu sharia la mën nga ci djoum il faut que vraiment mu nek lo xamné lu wor ci sharia mu né gisunu kenn ko mu né gisunu kenn kuy wax ku len di wax lu ñoom ba mu len koy def wa ma tax ba pare mu genn aduna ala naati ci melaw istiqamatin ak juk co woro manam mu nek nit ku juk bi mi genn ba mu genn dem bu genn aduna te ba pare ñu gis ko mu dess ci njub gogou genn aduna ak njub gogou dedet gisunu kenn ku mel non ku len di wax lu ñoom wala ngeen ko koy def après nga mujj fofu amin mu ko wa te lolou bok na ci likoy deugere limi wax mu ne wa fi hadith nek ci hadith al qudsi wa hadith qudsi bobu mu ne sa borom subhanahu wa ta'ala ne man aza kep ko xamne lor na li ñeel ma awaliyan wali yu faqat deug deug azamtu tekku nako bil harbi ci xare manam peure nako in taha fi wax di yam qala mu ne wa alamatul wali man dar kay wali nak bi man xam nga mom dañ kuma loral wali muna wala matul wali man ragay wali alladhi bi nga xamne la shak amul ben sikisaka fiima ci li nga xamne dana am yakuna mom moy manam fiima mi ngi ci am yakuna moy ci mu nek mom muksiran bi ajbar bi zikrillah ci li tuddu yalla taala di kawaji lol mu beuri lu muy sikkar di tuddu yalla lol mom man ragay wilaya la way ayidu te mi ngi koy jappale ma mi ngi deugural jojo xawlu waxu abu ali ad-daqaq rahmalahu ta'ala serinu kan la al imam abu al-qasim al shara qurui al-qurtubi al-qushayri al-qushayri al-qushayri no ad-daqaq ali ad-daqaq rahmalahu yalla yeram ko allah wa ta'ala di kawdi mun az-zikru zikr manshuru moy mandar ga yal wilayatu wilaya wa mo ma dal kay wilaya comme ni nga xamantene nit ki tam sou le so nek fonctionnaire nan ci bour bi moko jël mo la jël pour nga meuna nek fonctionnaire yoy wa nit manam moy da fay am place buñ lay yob pour nga fay liggey nonu tamit lamel zika non lay waré ni comme ki yalla dako tan boole ko ci bopam mu nek partenaire am motax mu koy tudd duko baye duko faté gis nga duko bané tudd duko négliger parce que partenaire yalla la collaborateur la alliyam fa man kep ko xamne wufiqa deppele nagn la deppele nagn ko azzikra zikar faqad deug deug waxe jox nagn ko almanshura mandar gay li wala li moy wala ni mom waliyu la intaha fi wax diam fa awlima kon ñu xamne anna wali wor bo moy la yam bi ri yelo li ahad ñel ken an yamna ci muy xagne di tere azzakir nagn yi zikar min rafa'a sawt ti yekiti sen kaddu sen bat bi zikri ci di zikar fil masajid ci jakkay wa nahwiha yu mel nit non illa ludul bi tariqin ci yoon wo xamne shar'iyyin ko djok sharia la yasukh bo xamne dana yello dana meuna amé dana wala jado la ho ñeel ko luñ kar bi nga fi hasimum ka an kem lan moy yoon sharia bi wara meuna tax ñu nit bi zikar ci jakkay di ñu ne ko hey sa way bu ne ko sa bat wacce ko wala yoy ban lan mo wara tax ko lu demene ke lan muna kan ka am kemu ma yishawishu muy jaxase di jax jaxal ala han ala na'imin ci aji nelaw manam di deranger kuy nelaw dal ku nek ci jaxal ji di nelaw nga diko deranger buñ nga yuuxu ni diko deranger waxal dank ci fuf aw wala bok mu fallin kuy julli aji julli manam bo yu waxe ci kaw dang koy deranger aw wala bok mu talan ko xamantene day yeur fi ilmi ci ilmi ci xam xam bo xamne sharia ko sharia la wana xudale yi dem nek non kuy lire tire bo xamne tire sharia la par exemple voilà waaw wala yoy non dom bo lako doko dérange sauf que nak mu am lolou luma leral lolou moy soudé kenn nga mais soudé mboro la yo xamne dañuy xamni heure bi dañuy zikar yow ya wara dem yow muy jang alcorane ya wara gënal dem ci deppul jang ko ci biti wala bok nga tok and nit ñi zikar soko manul nga tok bi lire sa alquran te bu fekente ne mën nga munu ñu buñ la déranger ak yu mel non yaangi de mu ne kon fal yopta wa nahu zalika ak yu demé ko non fal yopta kon nak na sori almano ak xagne gi ak téré di lo ñel leen nafso bopam wallahu bur yalla nak bi kulli shay'in ci bëpp mbir budul dara dara mom ci lepp lo mën ti gis rek alimun ko xam la intaha fi la yam kalam kaddu sayyidi sama sang ba abdul wahhab ash-sha'rani radiyallahu gërem allah bi ta'ala diga jamu ci mom waxu wati gis nga waxam ji lim wax fi nafisum lu ama am solo wala ni yam ci nafis gogo inshallah wala wala wala inshallah buñu ñëwaté jotaay bi ñu ñu dug ci wax no suyuti ama solo la ci masala yi ci masala dafa indi wat wax no suyuti xam ngeen ñu won waxa féra légui da koy indi wat inshallah mais ci anam yéwé gu am solo inshallah xamna ci jotaay bi ñu parce que mom la gis na né ko fi parenté bu mu def na mais plus fi voilà fi arab yi la ñu wax ci ni talibé tout ça والله تعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين